إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans la troisième partie qui est la conclusion de cette muhadara du Cheikh Saleh Al-Fawzan, دعوة التوحيد وسهام المغرضين. Et on explique maintenant les distinctions et les différentes catégories de tawassul. Et le Cheikh il dit التوسل ذكر العلماء أنه أنواع على قسمين التوسل على قسمين توسل مشروع وتوسل ممنوع. Donc le Cheikh explique que le tawassul, comme les ulama l'ont mentionné, est divisé en plusieurs catégories qui se divisent en deux grandes catégories. La première catégorie c'est le tawassul qui est mashrou', c'est-à-dire qui est légiféré, qui est prouvé par les textes du Coran et de la Sunna comme étant légal et permis. Et at-tawassul al-mamnou', at-tawassul qui est interdit. Qui est interdit par les textes du Coran et de la Sunna avec les preuves. Et on va détailler ça, inshallah. Donc le Cheikh il donne des exemples pour comprendre les différentes catégories de tawassul permis et légiféré. الشيخ يقول التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته قال تعالى et ça c'est bien important de le comprendre ces distinctions là et ces différentes catégories là parce que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui jettent des shubuhat à ce sujet et en particulier les soufis parmi les qubouriyin et de même que les ahbash Les Ahbash aussi, ils propagent ces shubuhat et ils encouragent les gens au shirk et à l'adoration des morts et à prendre des intercesseurs entre Allah subhanahu wa ta'ala et la Allah subhanahu wa ta'ala et les hommes en passant par des intermédiaires et des intercesseurs, des saints, des hommes pieux et ainsi de suite. Et ils utilisent toutes sortes de shubuhat. Donc, parmi leurs shubuhat, c'est de mentionner la question de tawassul. C'est bien de connaître les catégories de tawassul et de distinguer entre ce qui est permis et ce qui est interdit pour être capable justement de se protéger de leurs shubuhat et de les réfuter et de clarifier la position du Coran et de la Sunna à ce sujet-là et de savoir dire la vérité à ce sujet-là également. Donc, le Cheikh il dit at-tawassul al-mashru', le tawassul qui est légiféré. C'est le fait de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. De chercher un moyen de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce moyen, c'est de mentionner, de lui demander par ses noms et par ses attributs. Le Cheikh, il donne des exemples. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا تَقُولُ يَا رَحْمَنِ ارْحَمْنِي تَقُولُ يَا غَفُورِ اغْفِرْ لِي يا رزاق ارزقني اشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك تتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى هذا معنى الوسيلة بأسمائه وصفاته تتوسل إليه بالأعمال تتوسل إليه بالأعمال الصالحة. Donc la première exemple c'est que tu Par exemple, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ses noms. Hein? Alors invoquez-le par ses noms. Et il dit, c'est comme si lorsque tu dis, ô toi le tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Tu dis à Allah, ô toi le pardonneur, ya Ghafour, pardonne-moi. Tu dis, ô toi qui donne la subsistance, alors donne-moi ma subsistance. Guéris-moi, ô toi qui es le guérisseur. Il n'y a pas de guérison excepté ta guérison. Donc tu cherches un moyen de te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Et ça c'est al-wasila, c'est un moyen, une des significations de al-wasila. Hein? Un moyen pour te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce moyen par exemple c'est par ses noms et par ses attributs. Et également tu peux chercher un moyen de te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes œuvres que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh il dit tatawassal ilayhi bil a'mal as-salihah. Tatawassal ila Allah bil a'mal as-salihah allati tuqarribuka ilayhi bidalil hadith ath-thalatha fi man qablana. Thalathatun awaw ala ghar kama akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam liyabitu fihi. فانحضرت صخرة صدت الغار عليهم فلم يستطيعوا الخروج ولا أحد يعلم عنهم. Donc le cheikh explique qu'on peut demander également ou chercher un moyen de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes œuvres qu'on fait et qu'on accomplit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit l'exemple de ça et la preuve de ça, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith. Hein, des trois, le hadith des trois hommes. Parmi les peuples qui ont vécu avant nous, qui sont rentrés dans une caverne pour se protéger durant la nuit et pour dormir. Mais durant la nuit, la caverne s'est obstruée parce qu'un gros rocher est tombé sur l'ouverture de la caverne et donc ils ne pouvaient plus sortir. Et donc, je vais juste résumer le hadith, parce que malheureusement, j'aurai pas le temps de le lire au complet. Mais, qu'est-ce que ça signifie, c'est qu'ils sont rentrés donc dans cette grotte ou dans cette caverne, et la grotte s'est obstruée par un gros rocher. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé que chacun d'entre eux allait faire une invocation, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de les sauver, de les délivrer de cette grotte, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala par une bonne action qu'ils ont fait pour Allah seul, et par une bonne œuvre. Et donc, le premier, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant, le bon comportement qu'il avait envers ses parents. Le bon comportement qu'il avait envers ses parents, et il a donné un exemple de ça. Le deuxième, il a mentionné une bonne action qu'il avait faite, c'est qu'il s'occupait des moutons de quelqu'un et il les a fait multiplier pendant son absence. Et lorsque la personne est venue rechercher son troupeau ou ses moutons, il a retrouvé une grande quantité de moutons et plus que qu'est-ce qu'il avait laissé au début. Et l'homme lui a dit, tout ça c'est à toi. Hein? Et donc il a dit, j'ai fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de les délivrer un peu plus de ce rocher qui obstruait l'entrée de la grotte. Donc le rocher s'est ouvert encore un peu plus, mais pas suffisamment pour pouvoir sortir. Puis la troisième personne a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par une bonne action aussi, en mentionnant le fait qu'il a eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il allait commettre un acte de zina, un acte de péché. Eh bien, juste au moment où il allait commettre ce péché, ou juste avant de le commettre, eh bien, il s'est abstenu de le faire par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est retiré. Hein? Malgré que cette femme, c'était une des femmes qu'il aimait le plus au monde. Donc, malgré ça, il a abandonné son désir et sa passion et il s'est abstenu du haram par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et en plus il a donné à cette femme l'argent dont elle avait besoin sans lui demander de le remettre ou quoi que ce soit. Donc il a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala a retiré complètement par la suite le rocher et là ils ont pu sortir. Et ça c'est un exemple de tawassul, par des bonnes œuvres qu'on fait. Donc ça, ça montre dans la, que dans la charia, on a le droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire le tawassul par une bonne action qu'on a fait. Hein? Par un bon, une action, un amal qui est salih et qui est fait avec sincérité et pureté uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh il dit, فَهَذَا مِنَ التَّوَسُّلِ إِلَى اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ تَتَوَسَّلْ إِلَى رَبِّكَ بِأَعْمَالِكَ الصَّالِحَةِ الْخَالِصَةِ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى يَقُولْ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فينجيهم الله سبحانه وتعالى بإيمانهم وعبادتهم وطاعتهم لله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هذا في قصة يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت وصار في الظلمات نادى ربه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتوسل إلى الله بالتوحيد لا إله إلا أنت وتوسل إليه باعترافه بظلمه وذنبه فنجاه الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولولا أنه كان يعني كان في حالة الرخاء كان من المسبحين يعني من المصلين كان يونس عليه السلام كثير الصلاة فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فأنجاه الله بسبب أنه كان من المسبحين فهذا دليل على أن العمل الصالح ينجي إلهه إذا وقع في شدة وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة توسل إلى الله بالأعمال الصالحة هذا هو المطلوب وهذا هو المشروع ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين الشيخ il explique la suite de ça il dit ensuite on voit l'exemple Donc, dans cet exemple, on voit que on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes actions. Puis, il donne d'autres exemples de ça par les versets qui sont mentionnés dans le Coran au sujet des prophètes. Et il dit par exemple, il mentionne un verset dans Surat Yunus, le verset 103, « Puis nous sauvons nos messagers et ceux qui ont cru. Et c'est ainsi que c'est un devoir pour nous de sauver les croyants. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala sauve les croyants par leur foi, par leurs adorations, par leurs obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne également le verset 143 et 144 dans Surat As-Saffat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ » C'est-à-dire, il parle du prophète Yunus alayhi salam lorsqu'il a été avalé par le poisson, et qu'il était dans le ventre du poisson, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si ce n'était pas qu'il faisait partie du nombre des gens qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, c'est l'exemple de l'histoire de, Yunus alayhi salam. Lorsqu'il était dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. En disant « La ilaha illa anta » Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté toi. « Subhanaka » Gloire à toi. « Inni kuntu min al-zalimin » J'ai certes été du nombre des injustes. Donc ça, ce dua, c'est une forme de tawassul. Du fait qu'il cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et il lui demande par son tawhid. Par le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Puis, il cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala également en admettant et en reconnaissant sa faute et son injustice et son péché. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé à cause de ça. Il dit dans l'autre verset, Il dit également dans le verset donc, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Le cheikh il explique que si ce n'était que il était du nombre des yani, lorsqu'il était dans la situation ou dans l'état d'aisance, lorsqu'il était lorsqu'il n'était pas en détresse, lorsqu'il était en aisance et que tout allait bien pour lui avant qu'il soit dans ce malheur, si ce n'était que à ce moment-là il faisait déjà partie des adorateurs, il serait resté yani, dans le ventre de cette bête jusqu'au jour de la résurrection. Le cheikh explique, il dit pourquoi, parce que le prophète d'Allah, Younus alayhi salam, il faisait partie des gens qui priaient beaucoup et qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, souvent. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé et l'a préservé de ça. Donc il l'a préservé, il l'a sauvé et l'a délivré de ce malheur et de cette situation, parce qu'il faisait auparavant partie du nombre des gens qui sont dans la prière et dans la foi. Et ça, c'est la preuve que lorsque quelqu'un fait des bonnes œuvres, eh bien, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il tombe dans la difficulté par la suite, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala le sauve et le délivre. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans le hadith, lorsqu'il mentionnait cette nasiha à Abdullah ibn Abbas, il dit, rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance et de facilité, et il va se rappeler de toi lorsque tu as des difficultés. Et il va te venir, il va venir à ton aide lorsque tu es dans des situations de difficulté et de détresse. Donc, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala uniquement lorsque tout va mal, ça c'est pas un vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai serviteur d'Allah, il adore Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance et dans la difficulté. Tandis que ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement lorsque ça va mal, eh bien ceux-là ne sont pas des vrais adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple de Younus, c'est qu'est-ce qui nous montre que lorsque le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance et lorsque tout va bien, eh bien, c'est quelque chose qui fait en sorte que lorsque les épreuves arrivent et que les difficultés arrivent et que les malheurs se présentent dans la vie de quelqu'un, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala vient à son aide et à son secours et le délivre. Ensuite, le cheikh, il dit, donc il a cherché à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a utilisé ce moyen qui est le moyen de mentionner ou de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes œuvres. Et ça, c'est ce qui est exigé de notre part, et c'est quelque chose qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, en mentionnant d'autres versets à ce sujet-là, il dit, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul fa'ktubna ma'a ash-shahidin. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة هذا ينفع صاحبه إذا وقع في شدة فإن الله يفرج عنه شدته وليس الهتاف بالأموات أو بالشياطين أو بالجن كما عليه الآن كثير من المشركين الذين يدعون الإسلام. مع الأسف إذا أصابتهم شدة ما يقولون يا الله، يقولون يا عبد القادر، يا فلان، يا حسين، يا علي، ينصون الله سبحانه وتعالى، مع أن المشركين على شركهم في الجاهلية إذا وقعوا في الشدة أفردوا الله في الدعاء. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Donc le cheikh il explique ensuite d'autres exemples de tawassul qui sont mentionnés dans le Coran, comme dans le verset 53 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô notre Seigneur, il nous enseigne ce dua, l'exemple. Ô notre Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre, et nous avons suivi le messager alors écris-nous du nombre des témoins, ou parmi le nombre des témoins. Ça, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par une bonne action. Par une bonne action, c'est-à-dire du fait qu'on a cru en la révélation d'Allah et qu'on a cru en son messager. Il y a un autre exemple aussi qu'il mentionne aussi dans le verset 193 dans Surat Al-Imran. Ô notre Seigneur, nous avons entendu celui qui appelle à la foi nous dire « Croyez en votre Seigneur, alors nous avons cru. Alors pardonne-nous nos péchés. Hein? »« Farfir lana dhunubana » Donc c'est comme si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner en mentionnant la foi que tu as en son prophète et en son messager. Hein? Donc, ce sont tous des exemples de tawassul par des bonnes œuvres. Hein? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis, oh Allah, je te demande par ma foi en ton messager. Ça, c'est des exemples de tawassul qui sont permises. Hein? Et donc, on a les preuves de ça dans les versets de Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a exaucés. Et il a dit, je ne ferai perdre l'action d'aucun d'entre vous, qu'il soit homme ou femme. Vous êtes tous les uns des autres. Et donc le cheikh il dit donc de faire des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes œuvres qu'on a fait, ça c'est quelque chose qui est bénéfique pour la personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala dans des moments de détresse. Et c'est quelque chose qui fait en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala délivre la personne qui a commis ou qui est dans cette situation difficile. Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie sa délivrance à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui nous sauve? C'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et de lui demander de nous aider et de nous sauver de ces situations-là, et non pas d'appeler les morts et d'invoquer les morts, hein, d'appeler un tel et un tel parmi les morts ou bien parmi les shayatines ou bien parmi les djinns, comme beaucoup de gens aujourd'hui parmi les mushrikines qui se prétendent musulmans malheureusement. Lorsqu'un malheur les atteint, hein, au lieu de dire « Oh Allah, sauve-nous », hein, ils disent quoi à la place? Au lieu de dire « Oh Allah » ou « Ya Allah », ils disent « Ya Abdul Qadir », hein, » ou bien ils disent « Ya Fulan, Ya Hussein, Ya Ali ». Ils invoquent d'autres noms et ils citent d'autres personnes. Hein. Et ça existe. Il y a des gens comme ça, yani, des fois on entend des choses comme ça dans les livres du Tawhid. Et les exemples des paroles des ulama qui nous expliquent le danger du shirk et qui citent ces exemples. Il y a des gens qui entendent ça, ils pensent que c'est seulement des choses que les ulama mentionnent comme ça, qui sont juste des histoires du passé, que ce sont des choses qui ne sont pas appliquées ou qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Et la réalité, hein, c'est que non, même encore aujourd'hui, on trouve des choses comme ça. Et on entend des choses comme ça dans les pays musulmans. Hein? Des gens qui appellent, qui invoquent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les livres, des gens de bid'ah, des gens qui croient en le shirk et l'adoration des tombes, eh bien on retrouve dans leurs livres la mention de ces choses-là. La mention de ces exemples. Ils tournent le cœur des hommes et ils orientent le cœur des hommes vers les morts. Vers les hommes pieux, vers les saints qui sont enterrés depuis des centaines d'années, au lieu de les tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, si vous retournez dans le livre de ces gens-là, vous allez trouver des exemples de ça, hein, où ils appellent au shirk et au kufr de façon claire et apparente, sans aucune gêne. Donc, le cheikh, il explique ça et il dit donc, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance et dans les moments de détresse. Le cheikh il dit, malgré que les mushrikouns à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la jahiliya, lorsqu'ils faisaient du shirk, ils faisaient du shirk dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté, ils se limitaient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils invoquaient uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plein d'exemples de ça dans le Coran, comme le verset 67 dans Surat al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsque un mal vous touche, lorsque vous êtes sur la mer, hein, tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, vous le laissez accepter, lui. C'est-à-dire, vous abandonnez. Toutes les choses que vous invoquiez, acceptez Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous revenez sur la terre ferme, eh bien vous vous détournez de lui. C'est-à-dire vous vous détournez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, certes, l'être humain est ingrat, hein. Et lorsqu'ils sont dans une difficulté, dans une situation, hein, de catastrophe ou de yani, très difficile, ils savent qu'il n'y a pas d'autre moyen de se sortir de cette difficulté-là, excepté en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Hein? Tandis que lorsqu'ils reviennent sur la terre ferme, ils retournent au shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également dans le verset 5, dans surat al-An'am, « قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَدَرُّعًا وَخُفْيَةً لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فالمشركون كانوا يخلصون الدعاء في الشدة أما الذين يزعمون أنهم مسلمون الآن من القبوريين وغلاة الصوفية فإنهم إذا وقعوا في الشدة يدعون غير الله يدعون ويهتفون بأسماء الجن والشياطين والأموات يا علي يا فلان يا حسين يا قاد يا عبد القادر وهذا شيء معروف لا ينكرونه ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرك هؤلاء أغلظ من شرك الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء وسيخلصون في الشدة وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة بل إنهم في الشدة يزيد شركهم والعياذ بالله يزيد شركهم في الشدة وينسون الله سبحانه وتعالى ولا يأتي لله ذكر على ألسنتهم في الشدة وإنما يأتي ذكر معبوداتهم من دون الله. Donc le cheikh il explique, et ça c'est important, yani. Le cheikh il mentionne, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 63 dans sourate Al-An'am, il dit « Qui va vous sauver des ténèbres de la terre et de la mer ?» Hein? « Qui va vous sauver des ténèbres de la terre et de la mer ?» Vous l'invoquez avec humilité et en secret. Et vous dites dans cette invocation « S'il nous sauve de ce malheur et de cette détresse, nous serons certes du nombre des reconnaissants. » Donc ça, c'est l'invocation des mouchriquins à l'époque de la Jahiliya. Hein? À l'époque de la Jahiliya, lorsque ils étaient dans un moment de détresse, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala et ils disaient, ils abandonnaient leurs idoles et ils adoraient Allah seul. Et ils disaient, si tu nous sauves de cette situation, hein, de détresse et tout, eh bien, lorsqu'on va revenir sur la terre ferme, on va être du nombre des reconnaissants. Mais lorsqu'ils revenaient sur la terre ferme et qu'ils étaient sauvés, ils retournaient au shirk encore une fois. Hein? Ils oubliaient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples. Le cheikh, il dit, donc les mouchriquins, ils faisaient preuve de sincérité dans leurs dua, dans les moments de détresse. Tandis que ceux aujourd'hui qui se disent musulmans et qui adorent les tombes, et les extrémistes parmi les soufis, lorsqu'ils sont dans des difficultés, ils invoquent autre qu'Allah. Même dans les difficultés, hein, ils invoquent autre qu'Allah, contrairement aux mouchriquins. Et ils invoquent le nom des djinns, le nom des shayatins, le nom des morts. Ils disent « Ya Ali, Ya Fulan, Ya Hussein, Ya Abdel Qadir ». Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Ils ne le nient pas. Dans leur livre, vous trouvez par exemple des noms de shayatins, des noms de djinns, hein? Eux, ils disent parfois que ce sont des noms d'anges, comme si c'était moins grave d'invoquer des anges que des djinns. Alors que les deux, c'est du shirk. Que tu invoques un ange ou un djinn, les deux, c'est du shirk. Mais les djinns, c'est encore pire, parce que ce sont des shayatins qu'ils invoquent. Et ils prétendent que ce sont des anges. Hein? Et il y a également dans leur livre la mention de ce qu'ils appellent Al-Ghawth ou Al-Qutb. Ou bien ils l'appellent parfois Qutbul Qutb. Ils disent qu'il y a un être qui contrôle l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque fois qu'il part, il y en a un qui vient prendre sa place à chaque période ou à chaque époque. hein, et il l'appelle Al-Ghawth. Et ils disent que lorsqu'il y a des moments de détresse, c'est lui qu'il faut invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est dans les livres des soufis, hein, qu'on retrouve ça. Et il parle des Abdal et des Autad et de tous les différents noms, hein, qui forment une pyramide et puis qui se remplacent à chaque époque. Donc ça, c'est des exemples de la croyance de ceux qu'ils appellent Rijalul Ghaib. Ils croient en ces hommes-là, les hommes invisibles, les hommes cachés. Hein. C'est des choses qui sont dans leurs livres. Ça, c'est pas des choses qu'on a inventées à leur sujet. C'est des choses qui existent, qui sont écrites dans leurs livres, hein, de ces soufis. Donc, nasallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est des gens qui appellent ouvertement et clairement à toutes sortes de formes de shirk de cette façon. Et ils disent donc, ya Abdul Qadir, ya Fulan, au lieu de demander à Allah seul. Et une fois même dans un livre d'un des élèves de ceux qui ont propagé la tariqa Tijaniya en Afrique de l'Ouest, Al-Hajj Omar Tal, il dit dans son livre qu'il a écrit qu'il a parlé avec une femme qui faisait partie des Qadiriyya, de la tariqa Al-Qadiriyya. Hein, parce que le but de Al-Hajj Omar dans la propagation de qu'est-ce qu'il a fait dans l'Afrique de l'Ouest, c'était pas nécessairement de propager l'islam, comme parfois qu'ils essaient de le prétendre, mais c'était en particulier qu'il avait la mission de propager la tariqa Tijaniya. Parce qu'il y avait d'autres musulmans qui étaient là déjà, en Nigeria et d'autres places, mais qui étaient sur d'autres turuq soufiyya. Donc lui, il voulait que ces gens-là quittent les autres turuq pour rentrer dans la tariqa Tijaniya. Et donc son jihad qu'il a établi, et sa lutte et son combat qu'il a fait contre les autres peuples, c'était pour les faire rentrer dans sa tariqa, et pas pour les faire rentrer dans l'islam. Et donc, il donne dans son livre l'exemple d'une femme qui était Qadiriyya, dans la tariqa Qadiriyya. Quand elle avait un malheur, elle invoquait en disant « Ya Abdul Qadir ». Et une fois, je pense, Yannis, si je me souviens bien, elle a invoqué Abdul Qadir, et elle n'a pas été exaucée, elle n'a pas été sauvée comme elle prétend. Alors il lui a dit « Demande par » en disant « Ya Tijan ». Et elle l'a dit soi-disant « Ya Tijan », elle a été exaucée soi-disant. Et donc il pense que ça, c'est quelque chose comme par exemple qui va dire que c'est meilleur d'invoquer Abdul Qadir al-Jilani que d'invoquer Ahmed al-Tijan. Et c'est de ces manières-là qu'ils appellent au shirk. De la même manière que, par exemple, on a vu des exemples comme ça, par exemple, des chrétiens qui disaient, il y a des musulmans qui, soi-disant, des gens qui se disent musulmans ou qui prétendent être musulmans, lorsqu'ils ont des problèmes, ce prêtre chrétien, il dit qu'ils invoquaient le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on sait très bien que d'invoquer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et de demander au prophète, c'est du shirk akbar, et que ça fait sortir de l'islam. Mais lui, il donnait cet exemple-là parce qu'il veut appeler les musulmans au shirk. Alors il dit, il y a des musulmans qui ont invoqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de les sauver, et ils n'ont pas été exaucés. Mais quand on leur a dit, invoquez par le nom de Isa ibn Maryam, eux ils n'ont pas dit ibn Maryam, mais ils ont dit par le nom de Isa, et ils ont été exaucés. Donc ça, c'est des shubuhat que ces gens-là utilisent pour appeler au shirk. Ils disent, par exemple, que si tu invoques, par exemple, telle ou telle personne parmi les tombes, les gens qui sont enterrés, ou parmi les saints et les hommes pieux, si tu as une maladie, ou tu as un problème, ou tu as un malheur, tu vas l'invoquer, tu vas être guéri, tu vas être exaucé. Et les ulama, ils ont expliqué à ce sujet-là que ça, c'est une des shubuhat parmi les shubuhat des mushrikines. La réalité, c'est que souvent, si tu vois par exemple quelqu'un qui invoque d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les tombes, parmi les saints, parmi les djinns, parmi les anges ou autre chose, même parmi les idoles, et que la chose que la personne a demandé a été, hein, la personne a été exaucée dans ce qu'elle a demandé. Le shaykh, il dit, les ulama ont dit, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut égarer cette personne. Il veut égarer cette personne parce qu'elle s'est détournée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette chose-là lui arrive pour l'aveugler encore plus et pour qu'elle s'enfonce encore plus dans son shirk. Hein? Donc c'est une punition, hein, que cette chose-là se produise. Ou bien parfois, la personne, la chose pour laquelle elle a invoqué, elle le reçoit parce que c'était déjà quelque chose qui était prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est arrivé comme ça par coïncidence au même moment où la personne a fait cette invocation-là, elle l'a reçue. Hein? Donc, ça arrivait au même moment par coïncidence. Et eux, ils pensent que c'est à cause de l'invocation qu'ils ont fait pour cette tombe ou pour ce mort ou pour cette idole, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Mais encore là, c'est une punition aussi pour eux, puisque ils se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les égare encore plus dans l'égarement. Donc, ça, c'est d'autres exemples. Et aussi, les ulama, ils ont mentionné plein d'autres exemples aussi de ce genre-là. Ça, c'est l'exemple de ceux qui essaient d'utiliser ou de se baser sur le qadar, sur la prédestination, pour essayer de justifier le shirk qu'ils font. Ils croient que parce que quelque chose s'est produit, ça veut dire que c'est permis ou que c'est correct, ou que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Hein? Et c'est pas parce que quelque chose s'est produit que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est d'accord avec cette chose-là ou que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Puisque on a tous la preuve dans le Coran et dans la Sunna que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le shirk et qu'il a interdit d'invoquer d'autres que lui. Hein? Et donc, celui qui veut essayer de se baser sur le qadar pour essayer de justifier le shirk, c'est comme comparable à la personne qui veut essayer de justifier le fait qu'il a, par exemple, gagné la loterie. Il veut essayer de déclarer que c'est quelque chose que Allah aime, puisqu'il a gagné la loterie. Comme si en voulant dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que je gagne. Donc ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala aime cette chose. Alors que Allah a interdit les jeux de hasard. Donc le fait que quelqu'un gagne un jeu de hasard, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ça. Bien au contraire, parfois c'est un châtiment pour lui. Ça devient une fitna pour lui. Puisque après, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Donc c'est la même chose pour la personne qui va à une tombe et qui l'invoque et qui reçoit qu'est-ce qu'il a demandé. Eh bien, ça devient une fitna pour lui. Et parmi les gens qui pratiquent le shirk, eh bien, ces rumeurs, elles se propagent rapidement. Lorsque quelqu'un est allé à telle place et que qu'est-ce qu'il a voulu, ça lui a été donné, ou ça, il a été exaucé, qu'est-ce qui arrive par la suite? Il raconte ça aux autres. Et les autres commencent à le propager. Et ça devient une rumeur. Et après, les gens commencent à dire, si tu vas à tel endroit, tu vas être exaucé. Hein? Mais même si c'était vrai que cette personne, si tu allais à sa tombe, tu allais être exaucé, est-ce que ça rendrait l'acte lui-même halal, ou est-ce que ça ferait sortir cette chose-là d'être une forme de shirk akbar qui fait sortir de l'islam? Non. Hein? Donc si le fait d'obtenir ou d'être exaucé dans qu'est-ce qu'on veut, et on sait que cette chose-là, elle est reliée à un acte de shirk majeur, eh bien, du moment qu'on sait que c'est un acte de shirk majeur qui fait sortir de l'islam et qui fait qu'on va être en enfer pour l'éternité, on sait qu'on n'a pas le droit de s'y attacher. Et on n'a pas le droit d'avoir recours à ce moyen-là, puisque c'est un moyen qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est juste une parenthèse en passant pour clarifier ce point. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a réfuté ces exemples-là dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim. Il a donné des bons exemples pour clarifier ce sujet. Ensuite, donc le cheikh il continue, il dit donc que les extrémistes parmi les Qubouriya aujourd'hui, lorsqu'ils ont des malheurs, ils invoquent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquent le nom des hommes au lieu du nom d'Allah. Et le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit justement que le shirk de ces gens-là, il est plus grave et plus sévère et plus dangereux que le shirk des premiers parmi les premiers mushrikins. Puisque les premiers mouchriquins faisaient le shirk uniquement dans les moments d'aisance, et dans les moments de difficulté, ils faisaient preuve de sincérité dans leurs invocations. Tandis que ceux-là, leur shirk, il est constant dans l'aisance et dans la difficulté. Parce que, même que dans les moments de difficulté, ils augmentent leur shirk. Hein? Donc c'est ça l'exemple des gens de shirk et de bid'ah. Ils appellent les gens de sortir lorsqu'ils font leur da'wah pour les faire sortir d'une forme de shirk vers une autre. Hein? Ils les appellent, au lieu d'adorer une idole, ils les appellent à adorer une autre idole. Hein? Donc ça c'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure à ce sujet-là. Et ils augmentent leur shirk dans les difficultés et ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala et on n'entend pas dans leur bouche hein, la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de détresse. Ils ne font que mentionner le nom des choses qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est, le shaykh dit « Al-amru khatirun jiddan » التوحيد الآن خفي على كثير من الناس والذي يدعو إليه ينبذ ويتهم ويرمى بأنه من الخوارج لأن التوحيد عندهم هو عبادة القبور والذي ينكره هذا خارجي من الخوارج هكذا يقولون الخوارج هم الخوارج وما هم بالذين الخوارج ما هم بالذين يدعون إلى التوحيد الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر الخوارج الذين يكفرون المسلمين هؤلاء هم الخوارج أما الذين يدعون إلى التوحيد ما هذا ما هو الخوارج هؤلاء خلاصة عباد الله وأولياء الله هؤلاء هم الناصحون ما حملهم على هذا إلا الإخلاص والمحبة للخير والحرص على إنقاذ الناس من الهلاك يتحملون المشاق ويتعرضون للأخطار ويصبرون على اللوم والتوبيخ والتهديد لأجل إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور هؤلاء يقال لهم خوارج هؤلاء أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Donc le cheikh explique que aujourd'hui les questions qui sont reliées au tawhid sont ignorées et sont méconnues de beaucoup d'entre les gens. Beaucoup de gens ignorent la réalité et le danger du shirk et ignorent le tawhid. Et ceux qui appellent au tawhid aujourd'hui, ils se font qualifier et accuser d'être des khawarij. Aujourd'hui, ceux qui appellent au tawhid et qui interdisent aux gens d'adorer les morts et les tombes, ils se font qualifier par certains comme étant des khawarij. Et c'est ça que vous allez trouver, par exemple, dans les exemples des ahbash et des extrémistes parmi les soufis. Hein? Quand quelqu'un appelle au tawhid et quelqu'un interdit l'adoration des tombes et des morts, et ça c'est des khawarij, ils font le takfir des musulmans. Et on ne fait pas le takfir des musulmans, on fait le takfir des mouchriquins. Hein? Et c'est ça qui est interdit. Hein? Qu'est-ce qui est interdit dans le takfir? C'est de faire le takfir des musulmans. De faire le takfir des musulmans qui commettent des grands péchés. Et des choses de ce genre. Et non pas de faire le takfir des koufars et des mouchriquins. De faire le takfir des koufars parmi les juifs et les chrétiens et les athées et les autres, les communistes, les laïcs et les autres. Ou bien de faire le takfir, hein, des gens qui adorent les morts, qui adorent les tombes, ça c'est pas quelque chose de blâmable, ça c'est quelque chose qui est obligatoire. Qu'est-ce qui est interdit, c'est de faire le takfir des musulmans. Et donc, le cheikh il dit, les gens qui appellent au tawhid, ce sont pas des khawarij. Les gens qui appellent au tawhid, ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui font le message, qui font le travail des messagers. Le khariji, c'est quoi? Les khawarij, ce sont pas les gens qui appellent au tawhid, ce sont les gens qui sortent et qui prennent les armes et qui se rebellent contre les dirigeants musulmans. Les khawarij, ce sont ceux qui font le takfir des musulmans. Ce sont ceux-là, les khawarij. Les khawarij, ce sont ceux qui font sortir de l'islam des musulmans parce qu'ils ont commis des grands péchés. Quand ils voient quelqu'un qui boit de l'alcool, quand ils voient quelqu'un qui fait le zina, ou bien quand ils voient quelqu'un qui commet ce genre de péché-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils les déclarent kuffar. Ils les déclarent kuffar. Ça, c'est les khawarij. Tandis que la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, c'est que tant que quelqu'un reconnaît que quelque chose est interdit parmi ces grands péchés-là, il est toujours considéré comme étant un musulman et un croyant, sauf qu'il a la foi faible. Hein? Et qu'est-ce qui fait sortir de l'islam? C'est quelqu'un qui commet le shirk ou le kufr. C'est quelqu'un qui commet le shirk et le kufr akbar. Hein? Une fois que la preuve a été établie contre lui, il est considéré comme étant un mushrik. Hein? Donc ceux qui adorent les tombes et qui adorent les morts, eh bien ceux-là rentrent dans cette catégorie-là. Et donc ceux qui appellent au tawhid et qui disent que ça, qu'est-ce que ces gens-là font, c'est du shirk, ceux-là ne sont pas des khawarij, mais ce sont des serviteurs d'Allah et des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ceux qui sont sincères envers la créature et qui les appellent à qu'est-ce qui est bon pour eux. Et ils endurent toutes sortes de difficultés et de dangers et de blâmes et de menaces pour sauver les hommes, hein, des ténèbres et pour les amener à la lumière. Ceux-là, on ne peut pas leur dire qu'ils sont des khawarij. En réalité, on doit dire à leur sujet que ce sont ceux qui suivent l'exemple des prophètes. Et le prophète sallam a dit justement que les ulama sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont pas laissé en héritage des dinars ou des dirhams, c'est-à-dire ils n'ont pas laissé de l'argent, ils ont uniquement laissé comme héritage la science. Et celui qui l'a pris, il a pris la plus grande part. Et il dit également وكذلك من التوسل المشروع ان تذكر حالتك وضرورتك الى الله جل وعلا وفقرك وتذكر هذا في دعائك كما قال وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين توسل الى الله بحالته وانه مسه الضر الضر الشديد وأعرض عنه الناس لأنه أصبح لونه وجسمه منفرا من شدة المرض. Donc le cheikh il mentionne l'exemple aussi du tawassul. Parmi les formes de tawassul qui sont permises, c'est que tu fais le tawassul en mentionnant ta situation de difficulté et de maladie ou de malheur et ton besoin et ta nécessité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'exemple de Ayyub alayhi salam lorsqu'il a appelé son Seigneur en lui disant qu'il a été touché par un mal et c'est toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Ça fait partie des exemples de tawassul qui sont permises. Et également, pour terminer, le cheikh il dit وَكَذَلِكَ مِنَ التَّوَسُّلِ الْمَشْرُوعِ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ الصَّالِحِينَ الْحَاضِرِينَ أَنْ تَطْلُبَ مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لَكَ أَوْ يَدْعُوَ اللَّهَ لِلْمُسْلِمِينَ فإن هذا من التوسل المشروع والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أجدبوا يعني إن حبس المطر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقي لهم وأن يدعو الله لهم فيسقون ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأجدبوا ذهبوا إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإننا نتوسل بعم نبيك فاسقنا فيدعو الله قم يا عباس فادعو فيقوم العباس رضي الله عنه فيدعو الله وهم يؤمنون فينزل الله المطر عليهم وهذا توسل بدعاء الصالحين فإذا كان عبدا صالحا حاضرا عندك تطلب منه أن يدعو الله لك هذا توسل مشروع لا بأس به فهذا من أنواع التوسل المشروع. Donc le cheikh, pour clarifier et conclure les catégories de tawassul qui sont permises, il mentionne le fait de demander à une personne qui est vivante et qui est présente de faire un dua pour toi. Tu demandes à quelqu'un que tu considères comme étant pieuse d'invoquer Allah. Et ça fait partie du tawassul qui est permise. Il donne l'exemple des sahaba lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'invoquer Allah pour qu'il fasse tomber la pluie. Et il invoquait Allah et Allah subhanahu wa ta'ala faisait tomber la pluie. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils allaient par la suite vers son oncle Al-Abbas ibn Abdul Muttalib pour demander à Abbas radiallahu anhu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et il donne l'exemple du hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans lequel Omar ibn Al-Khattab il dit « Oh Allah » lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans la signification de ça, c'est « Nous te demandions, nous prenions comme moyen pour te demander le dua de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. On faisait le tawassul en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de t'invoquer pour que tu fasses tomber la pluie pour nous. Mais aujourd'hui, nous te demandons par le dua de l'oncle de ton prophète, c'est-à-dire par le tawassul de l'oncle de ton prophète. Alors fais tomber la pluie. Et il invoquait Allah. Et Omar disait, lève-toi Abbas. Et Abbas se levait et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Et les croyants disaient Amin. Et Allah subhanahu wa ta'ala faisait tomber la pluie sur eux. Ça, c'est des exemples de tawassul qui sont permis. Donc le tawassul qui est permis, parmi les catégories qui sont permises, c'est cette catégorie de tawassul, c'est-à-dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par le doua d'un homme pieux. Et c'est souvent cette catégorie-là que les gens de Bid'a, les soufis, utilisent pour faire la Shubha. Parce qu'ils ne font pas de distinction entre le fait de demander à un homme qui est vivant et à un homme qui est mort. Donc pour eux, le tawassul par un homme qui est mort, c'est la même chose que le tawassul par un homme qui est vivant. Et c'est là qu'on trace la ligne entre qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui est bid'a et qu'est-ce qui est permis et légiféré et mashrou'. Donc le cheikh il dit, أما التوسل الممنوع فهو جعل الواسطة بين الداعي وبين الله في قضاء حاجته وهذا ممنوع وينقسم إلى قسمين أولا إن كان يتقرب إلى هذه الواسطة ويذبح لها وينذر لها فهذا شرك أكبر وهذا توسل هذا توسل شرك أكبر يخرج من الملة كالذين يذبحون للقبور وينظرون لها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كحالة المشركين الأولين أما وثانيا أما إن كان لا يقرب شيئا من العبادة لهذه الوسيلة وإنما يزعم أنها تتوسط له عند الله فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك فلا بد من هذا التفصيل فليس التوسل لغير الله التوسل غير المشروع ليس كله شركا ليس كله مباحا. Donc le cheikh il dit que le tawassul qui est interdit, il se divise en deux catégories. Il y a une catégorie qui est shirk akbar et il y a une catégorie qui est bid'a, qui est haram. Hein, mais qui n'est pas shirk, akbar, qui ne fait pas sortir de l'islam. La première catégorie, et celle qui fait sortir de l'islam parmi les formes de tawassul qui sont interdites, c'est le tawassul par quelqu'un qui est mort. Hein. Le tawassul par quelqu'un qui est mort et qui est absent, que tu lui demandes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien le tawassul dans lequel il y a un acte d'adoration qui est offert à autre que Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Que ce soit une invocation ou que ce soit un autre acte d'adoration. Comme par exemple le fait d'égorger un animal pour un mort ou bien de faire des vœux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ou un tawassul dans un moyen que tu vas faire pour te rapprocher d'Allah dans lequel il y a du shirk. Dans le sens que tu offres à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. Ça c'est une forme de shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Comme ceux qui invoquent pour les tombes ou pour les saints ou pour les hommes pieux. Et ils font des vœux pieux pour ça. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah, comme l'exemple des premiers mouchriquins. Ça, c'est la première catégorie qui fait sortir de l'islam. La deuxième catégorie de tawassul, c'est tawassul dans lequel il n'y a pas d'actes d'adoration qui sont offerts à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, mais la personne, elle prend quand même un moyen ou un intermédiaire qu'elle croit être une cause pour pouvoir se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas-là, c'est une forme de bid'ah. Hein? C'est une forme de bid'ah. Comme par exemple, quelqu'un, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh Allah, c'est-à-dire il s'adresse directement à Allah, il demande directement à Allah, mais il demande à Allah par sa créature. Comme par exemple, il dit, oh Allah, je te demande par ton prophète. Oh Allah, je te demande par le statut de ton prophète. Ou par l'honneur de ton prophète, ou par le respect pour tel saint ou de telle tombe, hein, ou des choses de ce genre. Donc dans ce cas-là, ça c'est pas une forme de shirk akbar qui fait sortir de l'islam, mais hein, c'est quand même une bid'a, puisque ça ne fait pas partie de l'exemple de nos salaf. Ça ne fait pas partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et ça ne fait pas partie de l'exemple de ce qui est mentionné dans les hadiths authentiques, et les sahaba n'ont jamais fait ça. Hein. Et il y a des fois des narrations que les gens de bid'a vont ramener pour essayer de justifier ça, mais toutes ces narrations-là, elles sont soit fausses, c'est-à-dire fabriquées, maudou'a, ou bien elles sont da'ifa, elles sont faibles. Mais il n'y a rien d'authentique qui justifie ce genre de pratique. Hein? Donc si tu veux demander à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, tu ne demandes pas par sa créature. Tu ne dis pas, oh Allah, je te demande par le prophète, ou par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou par Isa, ou par un autre d'entre les messagers, ou par un ange. Hein, je te demande par ton ange, ou des choses comme ça. Non, ça c'est bid'a. C'est pas shirk akbar. Et souvent, c'est là-dessus que les gens de bid'a, ils jouent avec les gens qui appellent au tawhid en disant, vous vous déclarez des gens kuffars et vous les faites sortir de l'islam parce que ils demandent par le tawassul. En disant, en voulant dire, quand on demande à Allah puis qu'on demande par son prophète, ils disent, vous faites sortir des gens de l'islam pour ça. Et on leur dit non. On ne fait pas sortir des gens de l'islam quand ils demandent à Allah par son prophète. On dit que c'est une bid'a et que qu'est-ce qu'il fait, c'est haram. Et que ça peut amener au shirk. Mais on ne les fait pas sortir de l'islam pour ça. On les fait sortir de l'islam lorsqu'ils demandent à autre que Allah subhanahu wa ta'ala d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme à un mort. Ils adressent des du'as à un mort ou à une tombe. Là, on les fait sortir de l'islam parce que ça, c'est shirk akbar. Donc, il faut faire la distinction entre les deux formes de shirk qui sont interdites pour éviter de faire sortir de l'islam des gens qui ne sont pas en dehors de l'islam. Et il faut bien comprendre la nuance et la distinction entre les deux, parce que c'est à cause de ça parfois qu'ils jouent avec ça pour essayer de nous déclarer ou de nous accuser des khawarij. Hein? Et la réalité, dans les faits, c'est que la majorité de ceux qui vont auprès des tombes pour faire des du'as, quand ils font leur du'a, ils ne le font pas en demandant à Allah directement par son prophète ou des choses de ce genre. Ils le font en demandant directement aux morts, directement à la tombe. Donc ça c'est dans la réalité. La majorité d'entre eux, ils s'adressent directement aux morts et aux tombes et ils croient en ces êtres-là. Mais il faut juste distinguer la question lorsqu'on l'explique et lorsqu'on la clarifie, de savoir qu'est-ce que les ulama ont déclaré, qu'est-ce que les ulama du tawhid ont déclaré shirk akbar et qu'est-ce que les ulama du tawhid ont déclaré hein, bid'ah et haram, mais que ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc j'espère que ça a été clair à ce sujet-là. Et le cheikh il dit donc, pour terminer, bal la budda min hadha tafsil. لأن كثيرا من المغرضين يلبسون الأمر ويقولون أنتم متشددون أنتم خوارج أنتم تشددون على الناس هذا من الأسباب هذا من التوسل والله أمر به وابتغوا إليه الوسيلة فينبغي أن يعرف هذا وأن العلماء يبينون للناس هذه الأمور ولا يتركون المغرضين يلبسون عليهم. Il faut bien clarifier, bien mentionner les différentes catégories en détail. Parce que les gens de bid'a et les ennemis du tawhid, ils utilisent, quand on ne détaille pas et on ne clarifie pas les choses, eh bien ils profitent de ça pour dire de nous qu'on est des gens qui exagèrent, qui sont trop durs et qui font le takfir ou des choses de ce genre. Donc ils disent, ça c'est seulement une cause qu'on emploie, un moyen de se rapprocher à Allah, et que ça c'est de chercher un wasila et des choses de ce genre. Donc il faut clarifier pour les gens ces choses-là, et les ulama doivent clarifier ces questions-là pour les gens, et les tulab al-ilm aussi doivent clarifier ces questions-là pour les gens, et on ne doit pas laisser les gens qui sont les ennemis du tawhid créer des doutes dans l'esprit des gens, et les mélanger dans les questions du tawhid. Il faut vraiment bien clarifier ces choses-là. Et pour terminer, il y a un point aussi juste à mentionner en dernier, c'est que vous allez voir parmi ces gens-là parfois certains qui vont essayer de citer des paroles de savants pour essayer de dire que telle ou telle chose c'est permis ou non. Et parmi ces savants-là, il y en a par exemple, parfois ce sont des gens qui ont rapporté des citations ou des paroles, ou bien parfois des gens qui ont été affectés par certains égarements ou certaines bid'ah, hein, et le fait qu'un individu ait dit que quelque chose est correct ou permise, eh bien c'est pas la preuve pour nous. C'est pas ça notre référence, c'est-à-dire, nous on établit la preuve selon qu'est-ce qui est dans les textes du Coran et de la Sunna, et des exemples des paroles des sahaba et de leur compréhension. Hein? Pas des paroles des savants qui sont venus par la suite et qui ont contredit qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et dans l'exemple des consensus des paroles des salafs. Hein? Il faut bien comprendre ça. Et que peu importe qui la personne, et qui est la personne qui a dit une chose, peu importe son niveau de connaissance, peu importe son niveau de piété, si ce qu'elle a dit est en contradiction avec le Coran et la Sunna et l'ijma des salaf, eh bien, cette parole qu'elle a dite, elle est rejetée, peu importe qui il est, peu importe son niveau de science, peu importe son niveau de piété et de compréhension ou de connaissance de l'islam. Tant que la personne, qu'est-ce qu'elle a dit, c'est pas en accord avec une preuve authentique dans le Coran et dans la Sunna et dans la parole des salaf, eh bien, la parole, elle n'est pas supportée, donc dans ce cas-là, on ne la prend pas comme étant une référence et une preuve. Mais les gens de bid'ah, ils prennent les paroles de certains individus qui se sont trompés ou qui ont fait des erreurs et ils l'utilisent comme preuve. Et ils mettent de côté le Coran et la Sunna et l'ijma des salafs sur ces questions-là, comme si les paroles des savants devenaient des références, comme si la parole des savants était une révélation divine. Donc il faut trancher clairement dans ces questions-là pour pas se laisser tromper ou égarer par des choubourades. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, et maintenant, on espère qu'on a bien profité de ça. Maintenant, on va écouter, Inch'Allah, le cheikh qui va nous parler, le cheikh Saleh, le cheikh Abdelaziz, cheikh Ramzan Al-Hajri, wafaqahullah. Donc أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.